Oui, c'est un mec qui s'appelle Oui, hein, et il devient bûcheron. Mm. Car Oui aimait scier. Oui aimait scier. C'est un rébut. Non, enfin, il faut deviner. Pas, c'est pas possible. Fais voir qu'est-ce qu'il a écrit. C'est un mec qui s'appelle Why. Ah oui. Oh là. C'est un mec qui s'appelle Why, qui va en Amérique, il se fait engager comme bûcheron parce que Why MCA. Voilà, laisse-lui la faire. Allez, raconte-la à Roland. Alors, mon cher Roland, c'est un mec qui s'appelle Why et il devient bûcheron. Oui. Car Why aime chier. Mais non. Déjà, oh là là là là, chapeau bas. Non mais c'est l'explication de la blague. Voilà, je sais pas. Le jeu de mots, c'est quoi? Vas-y, YMCA. Mais quel boulet, c'est pas vrai. Oh le boulet.